بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجي dans son livre les trois principes fondamentaux. Puis lorsqu'il fut établi à Médine, lui furent prescrites les autres pratiques du culte musulman: l'aumône légale, le jeûne, le hajj, l'appel à la prière, le djihad, ordonner le bien et proscrire le mal, ainsi que d'autres éléments du culte. Cette période dura 10 ans, puis il mourut, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, mais sa religion, elle, est encore vivante. Telle est sa religion. Il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté, ni un mal sans le mettre en garde contre lui. Le bien qu'il a indiqué à sa communauté est le tawhid, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée. Tandis que le mal contre lequel il a mis en garde est le shirk, ainsi que tout ce qu'Allah déteste et rejette. Allah l'a envoyé à tous les hommes et a imposé aux djinns et aux hommes, al-thaqalayn, de lui obéir, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô hommes, je suis en vérité le messager d'Allah envoyé à vous tous. Par lui, Allah a parachevé la religion, comme le prouvent ses paroles. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et la preuve de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve dans les paroles du Très-Haut. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Puis le jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala dit en commentaire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, en l'an 10 de l'Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad n'est qu'un messager, et des messagers l'ont précédé. Retourneriez-vous sur vos pas s'il mourait ou était tué? Quiconque retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah. Puis Abu Bakr radiallahu anhu lui succéda en tant que calife, suivi par Omar, puis Uthman, puis Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum, après l'assassinat de Uthman par les Khawarij en l'an 36 de l'Hijr. Et sa religion durera tant que le Coran demeurera parmi nous et que la Sunna sera préservée dans les livres. Il n'a laissé aucun bien sans l'indiquer à sa communauté et aucun mal sans la mettre en garde contre lui. Le bien qu'il lui a indiqué est le Tawhid, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée, tandis que le mal contre lequel il a mis en garde est le shirk, ainsi que tout ce qu'Allah déteste et rejette. Les commandements et les interdits divins sont toujours présents dans leurs sources scripturaires, le livre, le Coran et la Sunna. Les gens doivent donc les rechercher là où ils doivent s'attendre à les trouver et s'y conformer, car Allah les a chargés de le faire, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun maître en dehors de lui, comme vous y songez bien peu. Ainsi que ces paroles: wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Mais aussi les versets: istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك إليهم حفيظا عليهم فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne portera jamais le terme. Reportera jamais le terme. Vous ne trouverez ce jour-là aucun refuge et vous ne pourrez pas nier vos œuvres. S'ils se détournent, sache que nous ne t'avons pas envoyé vers eux pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Et le polythéisme majeur, Shirk Akbar, qui exclut de la communauté ses adeptes et ce dont il faut le plus s'écarter, car rien n'est plus laid et plus grave que cette pratique. Se soumettre aux ordres et aux interdictions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une obligation, à condition d'en être capable, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Craignez donc Allah autant que vous le pouvez. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait l'allégeance des croyants en leur disant « Tu es tenu d'écouter et d'obéir dans ce qu'il t'est possible de faire. » Si bien qu'une croyante a dit « Allah et son messager sont plus miséricordieux envers nous que nous le sommes envers nous-mêmes. » Obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et croire qu'il fut envoyé à toute l'humanité est obligatoire pour toute personne tenue de répondre aux exigences religieuses. « Mukallaf » conformément aux paroles d'Allah azza wa jal. « Qul ya ayyuha an-nas inni rasulullahi ilaykum jami'a » Dis « Ô homme, je suis en vérité le messager d'Allah envoyé à vous tous. » Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Jabir, a mentionné 5 privilèges que lui ont été accordés, parmi lesquels chaque prophète était envoyé à son peuple exclusivement alors que j'ai été envoyé à tous les hommes. Il n'est pas mort avant qu'Allah n'ait parachevé la religion par son intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a informé de sa mort. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Puis le jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Puis après la mort, la résurrection, l'auteur a dit, et après leur mort, les gens seront ressuscités, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. D'elle, la terre, nous vous avons créé. En elle, nous vous ferons retourner et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Et Allah. Ici, si on peut remarquer qu'ils ont mis la traduction dans notre verset. Le verset donc c'est إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. Dans la traduction avait précédé, en vérité tu mourras, ils mourront eux aussi. Puis le jour de la résurrection, vous disputerez auprès de votre Seigneur. Na'am. Donc c'est le surat Zumar, verset 30, 31. Et ici ils ont mis la traduction dans notre verset, à savoir donc le verset de surat Taha, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dès la terre nous vous avons créé, en elle nous vous ferons retourner. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Donc il y a eu un petit souci ici. Le verset qui est cité par le commentateur, c'est le verset donc, de la sourate Zumar, Na'am, qui avait été traduit dans le sens, avait approximativement été traduit précédemment dans le texte de l'auteur, dans le texte original, Na'am. Quant à la traduction, c'est la traduction d'un verset qui va suivre dans le texte original également. Donc il faut apporter la modification et indiquer cette chose-là donc pour ne pas être induit en erreur. Na'am. Et Allah Azza wa Jal dit « Wallahu anbatakum min al-ard nabata » Allah vous a fait croître de la terre comme des plantes. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans ce troisième fondement, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a continué à parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à la question « Qui est ton prophète ?» Ce qui est relatif donc à la connaissance du prophète que nous devons suivre. Nous avions commencé à aborder ce troisième fondement et nous nous étions arrêtés en parlant de l'émigration. Et nous avions notamment parlé de certains détails et d'un développement qu'avait apporté le Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire du même livre, à savoir les trois fondements, commentaire que je vous invite à lire, et je vous invite plus particulièrement à lire le passage qu'a consacré le Cheikh à l'émigration, à savoir Al-Hijra, surtout à une époque comme la nôtre. Et surtout, vu la situation des pays dans lesquels nous vivons ici, en Occident. Il est important donc d'accorder, il est impératif d'accorder au sujet de l'immigration, al-hijra, toute son importance, afin de savoir donc comment préserver sa religion. Wallahu al-musta'an. Ici donc l'auteur, il a dit, puis, rahimahullah ta'ala, puis lorsqu'il fut établi à Médine, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui furent prescrites les autres pratiques du culte musulman. L'aumône légale, le jeûne, le hajj, l'appel à la prière, le djihad, ordonner le bien et proscrire le mal, ainsi que d'autres éléments du culte. Cette période dura 10 ans. Puis il mourut. Que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui. Mais sa religion, elle, est encore vivante. Telle est sa religion. Il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté, ni un mal sans la mettre en garde contre lui. Le bien qu'il a indiqué à sa communauté est le tawhid. On avait expliqué donc que le tawhid, c'est le fait que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée, tandis que le mal contre lequel il a mis en garde est le shirk, ainsi que tout ce qu'Allah déteste et rejette. Allah l'a envoyé à tous les hommes et a imposé aux djinns et aux hommes, thaqalain, de lui obéir, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dans la traduction approximative du sens, et comme elle a été proposée donc par le frère traducteur, jazakallahu khayra, dit « Ô homme, je suis en vérité le messager d'Allah, envoyé à vous tous. »« يَا أَيُّهَا النَّاسِ » Ô homme. C'est une traduction qui est très souvent proposée. Moi-même, il m'arrive bien souvent donc de dire « Ya ayyuhan nas, ô homme ». Mais il y a un petit souci qui se présente, à savoir que le terme « annas », comme l'a dit le grand savant, le grand linguiste Ibn Manzur, rahimahullah ta'ala, dans son livre « Lisan al-Arab »,« annas », ça peut à la fois viser l'homme et le djinn. Donc le souci, c'est que si on traduit par homme, on traduit le terme nas par homme, alors à ce moment-là, on peut se dire, mais alors, pourquoi l'auteur, ici par exemple, s'est basé sur ce verset pour dire, pour avancer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé aux djinns et aux hommes de lui obéir, alors que seuls les hommes sont cités. En vérité, le terme nas qui est mentionné donc dans le verset, ce terme-là, il inclut à la fois les hommes et les djinns. C'est pour ça qu'il est peut-être préférable, wallahu a'lam, de dire aux gens, afin que ça soit plus général et que ça n'exclue pas les djinns, contrairement donc à ce qui serait le cas si on optait pour la traduction de an-nas par homme. Donc on dira plutôt, dis aux gens, je suis en vérité le messager d'Allah, envoyé à vous tous. L'auteur donc de continuer en disant, par lui Allah a parachevé la religion, comme le prouvent ses paroles, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits, j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et la preuve de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve dans les paroles du Très-Haut, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Puis, le jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. L'auteur, dans ce passage-là, il a abordé plusieurs points. Plusieurs points très importants qui ont été repris par la suite par le noble shir, le commentateur, shir Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Parmi les points qu'on peut citer, le fait qu'après avoir émigré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est établi à Médine. Et que c'est à ce moment-là que les autres pratiques du culte musulman lui ont été prescrites. En plus donc de la prière, qui comme nous l'avions vu, a été prescrite en l'an... En l'an combien ? En l'an 10, après l'avènement de la prophétie. après l'avènement de la prophétie. Suite à cela, suite à la prescription de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à la Mecque pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'émigrer vers Médine. Et c'est à ce moment-là que le restant des pratiques du culte musulman lui a été prescrit. L'aumône légale, le jeûne, le hajj, l'appel à la prière, le djihad, ordonner le bien et proscrire le mal, ainsi que d'autres éléments du culte. Cette période dura 10 ans, puis il mourut. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois ici ce point-là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort suite à cela. Comme l'a dit ici le commentateur rahimahullah ta'ala, le prophète est mort le 12 du mois de Rabi al-Awwal en l'an 10 de l'Hégire, et plus précisément en l'an 11. Plus précisément en l'an 11. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad n'est qu'un messager, et des messagers l'ont précédé. Retourneriez-vous sur vos pas s'il mourait ou était tué? Quiconque retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah. Et la fin du verset qui n'a pas été traduite ici: وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, et Allah rétribuera ceux qui sont reconnaissants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc mort. Suite à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont retrouvés dans une situation critique. Certains ont nié le fait qu'il soit mort. Radiallahu anhum. Omar radiallahu anhum. Malgré sa fermeté qui lui est connue. Lorsque la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été annoncée, il s'est mis en colère. Il a dit non, il n'est pas mort. Mais il n'a fait que partir. Comme l'a fait auparavant Moussa lorsqu'il a quitté son peuple. Et il va revenir comme il l'a fait. Uthman radiallahu an est resté sur place et n'arrivait plus à bouger du fait de la dureté de la nouvelle qui venait de leur parvenir. Et parmi eux, certains ont fait preuve de plus de fermeté, radiallahu anhum. C'est le cas de Abu Bakr Siddiq radiallahu an, qui s'est adressé aux restants des compagnons en leur disant, en leur récitant le verset que vous venez d'entendre: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad n'est qu'un messager, et des messagers l'ont précédé. Retourneriez-vous sur vos pas s'il mourait ou était tué? Quiconque retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah, et Allah rétribuera les reconnaissants. Et suite à cela, Abu Bakr radiallahu an adressa les paroles suivantes aux compagnons, aux restants des compagnons, en leur disant: quant à celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Quant à celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Et c'est suite à cela donc que le restant des compagnons se sont ressaisis radiallahu anhum. Car il leur suffisait donc d'entendre le rappel pour se ressaisir immédiatement du fait de leur attachement à la vérité radiallahu anhum. Et qu'ils ont compris que la nouvelle qui leur avait été annoncée, qui leur était parvenue, était véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc mort. Mais sa religion est toujours vivante. Et c'est là donc un autre point qu'a abordé l'auteur. En plus donc d'avoir affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a affirmé donc le fait que sa religion reste vivante et perdure. Et l'auteur, donc, pour affirmer cela, il s'est basé sur le verset, donc concernant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le verset Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Innaka mayyit, dans le sens, comme l'a dit le noble Sheikh Ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Hashiyat Thalathat al-Usul, il a dit ça signifie Ô Muhammad, tu vas certes mourir. Ô Muhammad, tu vas certes mourir. Puis il a dit, donc, le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, et Abu Bakr s'est levé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il s'est levé en pleurant. Et il a dit, quant à la première mort qui t'a été écrite, alors tu l'as certes rencontrée. Puis donc le Cheikh Ibn Qasim de continuer en disant, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum, retourneriez-vous donc sur vos pas s'il mourait ou était tué. Et le Cheikh donc de continuer en disant, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, mais il est vivant dans sa tombe, dans le monde intermédiaire. Et la vie, et sa vie donc, dans la tombe, dans le monde intermédiaire, elle est plus parfaite encore que la vie des martyrs, qui est mentionnée dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont plutôt vivants auprès de leur Seigneur et pourvus en subsistance. La vie qui est voulue ici, la vie des martyrs auprès de leur Seigneur, c'est la vie donc dans le monde intermédiaire. Étant donné que vous savez qu'il y a plusieurs demeures, tu as la demeure de ce bas monde, celle dans laquelle nous sommes. Tu as la demeure intermédiaire, le monde intermédiaire, à partir de la mort jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'au jour du jugement. Et ensuite, tu as la vie de l'au-delà, à partir donc du jugement jusqu'à l'éternité. Donc la vie qui est voulue ici, lorsqu'on dit que les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur et qu'ils sont pourvus en subsistance, comme c'est textuellement mentionné dans le verset que vous venez d'entendre, la vie qui est voulue ici, c'est la vie dans le monde, dans la demeure intermédiaire. Naam, la vie dans la tombe. Et c'est également cette vie qui est voulue lorsqu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Il est vivant certes, comme cela a été affirmé dans certains hadiths, mais vivant dans le monde intermédiaire, dans sa tombe. Et non pas dans la vie de ce bas monde dans laquelle nous sommes actuellement. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde intermédiaire, elle est plus parfaite encore que la vie des martyrs qui ont la particularité donc d'avoir été mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur pourvus en subsistance. Le Cheikh Ibn Qasim rahimahullah ta'ala de continuer quant à la vie corporelle, c'est-à-dire la vie donc de ce bas monde. Alors il n'y a pas de doute à son sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et qu'il a été lavé. Et qu'il a été mis dans son linceul. Et que la prière mortuaire a été effectuée sur lui. Et il a été enterré, Naam, dans sa sépulture, à Médine. Que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui. Et le shirk continue en disant, et il n'en est pas un qui n'ait dit qu'il ne soit pas mort, c'est-à-dire dans ce bas monde, sans que s'il ne fasse partie en vérité des innovateurs, qui sont sortis de la voie du livre et de la sunna. Et le shirk, rahimahullah ta'ala, ensuite d'expliquer ce qui a mené ces innovateurs-là à affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours vivant dans ce bas monde-là et qu'il n'est pas mort. Et il dit, rahimahullah, il dit par crainte que l'un de leurs fondements erronés ne soit annihilé à jamais. Et ce fondement-là, c'est quoi? C'est le fait qu'il s'en remette au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il revienne à lui. Et qu'il lui demande ce qu'il n'a pas la possibilité, le pouvoir de leur attribuer. Donc c'est quoi ici l'ambiguïté? Ou c'est quoi donc l'argument qui est avancé par cela? Il est connu que certains innovateurs, ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah. Sahih? Afin d'argumenter en leur faveur, ils ont dit, c'est parce qu'en fait, il est toujours vivant. Donc, afin de légitimer leurs agissements, ils en sont arrivés donc à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours vivant dans ce bas monde-là. Et ils ont nié le fait qu'il soit mort. Et ils ont interprété les textes qui affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant comme étant des textes qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans ce bas monde. Alors qu'en vérité, ces textes-là, ils visent le monde intermédiaire, la vie dans la tombe. Et le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, de continuer, mais sinon, en vérité, sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, est connue par les textes, et également par ce qui est rapporté et qui est connu donc de tout le monde. Et en vérité, nul ne doute de cela, si ce n'est quelqu'un qui cherche à s'entêter. Donc c'est important de connaître cela, surtout donc dans lorsque on vit, comme c'est notre cas, autour de gens qui sont baignés dans le soufisme et qui affirment cette chose-là. Et qui sont prêts à te qualifier d'innovateur, voire de mécréant, si tu affirmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'il n'est pas vivant dans ce bas monde-là. Et ça donc c'est courant. Surtout donc avec le groupe appelé Al-Adl wal-Ihsan, les suiveurs de Abdessalam Yassine, qui pullulent ici donc dans la région et qui sont connus pour affirmer cette chose-là et pour taxer d'égarer, voire plus, ceux qui affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement mort et que sa vie en vérité est une vie dans le monde intermédiaire, Hayat al-Barzakh. Naam. Mais sa religion, elle est vivante. Telle est sa religion. Il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté, ni un mal sans la mettre en garde contre lui. Sa religion, donc, elle est encore vivante. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté, ni un mal sans la mettre en garde contre lui, conformément à ce qu'il a lui-même dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par l'imam muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu an, qui disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah n'a pas suscité un seul prophète sans qu'il ne lui soit obligatoire d'indiquer à sa communauté le bien qu'il connaît pour elle et qu'il la mette en garde contre le mal qu'elle connaît, qui la menace. Et c'est ce qu'a effectué et concrétisé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr, radiallahu anhu, disait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a quittés, et il n'est pas un oiseau qui remue ses ailes dans le ciel sans qu'il ne nous ait cité à son propos un enseignement. Donc, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient vastes. Et il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté, de même qu'il n'a pas laissé un mal sans l'indiquer à sa communauté, afin qu'elle puisse s'en écarter. Le bien qu'il a indiqué à sa communauté, c'est le tawhid. Et on a expliqué précisément ce que le tawhid. Ça, c'est un autre point donc, à citer l'auteur. Ici, et le mal contre lequel il a mis en garde, c'est le shirk, ainsi que tout ce qu'Allah déteste et rejette. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tous les hommes et a imposé aux djinns et aux hommes de lui obéir, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Et on a expliqué précédemment donc que ce terme-là, النَّاس, il vise plus donc les gens de manière générale, afin d'inclure également les djinns, comme l'a dit Ibn Mandour rahimahullah ta'ala dans son livre Lisan al-Arab. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion. C'est encore un autre point. Comme le prouvent ses paroles, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, de commenter ce verset en disant, ce verset, il a été descendu que 80 jours avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il est descendu sur lui alors qu'il se tenait à Arafat et qu'il était en train d'adresser un sermon aux gens. Et c'est là le plus grand des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté. Dans le sens où il a parachevé sa religion. C'est ainsi qu'ils n'ont besoin d'aucune religion si ce n'est celle-ci, et qu'ils n'ont besoin d'aucun autre prophète que le leur, que les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et son salut soient sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et également Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla » et la parole de ton Seigneur s'est parachevée en toute véracité et justice. La véracité qui est voulue ici, c'est dans les informations. Et la justice qui est visée, c'est la justice dans les ordres et interdits. Et cela contient également le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé pour nous la religion. Et qu'il est complet sous tous ses angles. Tout en sachant que ce qui est complet, il n'a pas besoin de se voir rajouter quoi que ce soit, ni d'être diminué, ni d'être modifié. Donc cette religion-là, elle est parfaite, elle est complète, elle est parachevée. Elle n'a ni besoin d'être diminuée, et elle n'a pas besoin de se voir rajouter quoi que ce soit, ni modifié. Pourquoi ? Parce qu'elle a été parachevée. C'est ce qui a mené l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, à dire celui qui innove dans cette religion et prétend que son innovation est une bonne innovation, il a certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi le message. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina » Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, de continuer en disant, c'est ainsi que ceux qui ne faisaient pas partie de la religion ce jour-là, c'est-à-dire le jour où, durant lequel, ce verset a été révélé, Et comme on l'a vu, donc c'était 80 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train d'adresser un serment aux gens, le jour de Arafat. Ce qui ne faisait pas partie de la religion ce jour-là, n'en fera pas partie aujourd'hui. Cette religion-là, elle est donc parfaite, parachevée, complète. Elle n'a ni besoin d'être diminuée, ni de se voir rajouter quoi que ce soit, ni d'être modifiée, étant donné donc qu'elle est parachevée. Puis donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a avancé comme preuve, comme on l'a vu précédemment, pour affirmer donc la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset de sourate Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun, en vérité tu mourras, ils mourront aussi, puis le jour de la résurrection, vous disputerez auprès de votre Seigneur. Et dans ce sens-là, le noble Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala a apporté comme commentaire ce que vous avez pu entendre précédemment. Naam. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit: et après leur mort, les gens seront ressuscités comme le prouvent les paroles du Très-Haut. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. D'elle, la terre, nous vous avons créé. En elle, nous vous ferons retourner et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Et ces paroles, subhanahu wa ta'ala, wallahu anbatakum min al-ard nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah vous a fait croître de la terre comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Puis après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon leurs œuvres et qu'ils rétribuent ceux qui font le bien en leur accordant une très belle récompense. Une très belle récompense ici, ce qui serait plus correct serait de dire la plus belle récompense. Étant donné que c'est le superlatif qui est utilisé ici, al-husna. Al-husna, c'est le féminin de al-ahsan. Al-ahsan, donc, c'est le plus beau. Al-husna, c'est la plus belle. Donc, il serait préférable ici de dire en leur accordant la plus belle récompense. C'est encore plus fort, donc, qu'une très belle récompense. Naam. Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, dit en commentaire, l'auteur affirme: puis, après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres. Ils seront récompensés pour leurs œuvres pieuses et punis pour leurs mauvaises œuvres. Allah Azza wa Jal dit: afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon leurs œuvres et qu'ils rétribuent ceux qui font le bien en leur accordant la plus belle récompense. Allah rétribuera donc chacune de ses créatures en fonction de ses œuvres. Ceux qui font le bien seront récompensés pour leurs bonnes actions et ceux qui font le mal pour leurs mauvaises actions. Ceux qui font le bien sont ceux qui suivent les messagers, tandis que ceux qui font le mal sont ceux qui s'opposent à eux. Allah Azza wa Jal nous a informés de la destruction des nations qui ont traité leurs messagers de menteurs. Or, il y a là un sévère avertissement pour ceux qui lisent ou entendent ces récits décrivant le sort néfaste auquel ne peuvent échapper ceux qui renient les messagers et leurs messages. Allah Azza wa Jal infligera à ceux-là un châtiment terrestre avant de les punir dans l'au-delà. Ou alors il leur épargnera son châtiment ici-bas pour le leur affliger entièrement en enfer, le jour de la résurrection. Et le succès ne vient que d'Allah. Naam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, avait terminé le passage précédent que nous avons lu en évoquant et en affirmant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en citant la preuve. En l'occurrence, le verset de la sourate Zumar, que vous avez entendu à plusieurs reprises. Et en partant de là, il a également affirmé le fait que les gens, après leur mort, ils sont ressuscités. Donc il a parlé de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à partir de là, donc, il a abordé le fait que les gens donc meurent, ce qui est connu donc de tout un chacun. Et il a dit qu'après cela, les gens seront ressuscités. comme le prouvent les paroles du Très-Haut. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dal, la terre, nous vous avons créé, en elle, nous vous ferons retourner, et dal, nous vous ferons sortir une fois encore. Et ces paroles, Wallahu anbatakum min al-ard nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah vous a fait croître de la terre comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Donc tu retrouves ici donc l'origine de l'homme, de la terre, et le fait qu'il va y retourner, et le fait que par la suite, na'am, il va en sortir une nouvelle fois. Et tu retrouves donc ces trois étapes-là dans les deux versets que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. Le premier dans sourate Nuh, et le second dans sourate Najm. Il faut donc que tu saches cette chose-là. Après la mort, les hommes seront ressuscités. Puis après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon leurs œuvres et qu'ils rétribuent ceux qui font le bien en leur accordant la plus belle récompense. Et ces propos-là ont été corroborés donc par les propos du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, le mufti du sud de l'Arabie, un des grands savants de notre époque, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, qu'Allah lui fasse ample miséricorde, qui a donc affirmé à nouveau cela, à savoir qu'après leur mort, les gens seront ressuscités, qui seront jugés et rétribués selon leurs œuvres. Rends-toi donc compte ici de l'aspect éducatif que tu trouves dans, une nouvelle fois, donc dans ce genre de livre-là. Certes, tu as une partie qu'on pourrait qualifier de théorique, mais également tu as toute une partie qui t'enseigne les choses essentielles de ta religion, qui te rappelle le fait qu'après la mort, les hommes vont être ressuscités, qu'une fois ressuscités, ils vont être jugés, qu'une fois jugés, ils vont être rétribués selon leurs actes. S'ils ont bien agi, ils seront rétribués en bien. Et s'ils ont mal agi, ils seront rétribués en conséquence. Celui donc qui ne se contente pas de lire uniquement ce genre de livre-là, uniquement dans le but d'y passer dessus, mais avec réellement l'intention et l'objectif d'en profiter dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà, de tirer un réel profit religieux de l'étude de ce livre-là, il va passer par ce genre de passage-là, par ce genre d'enseignement, par ce genre de rappel. Ce qui doit te mener à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à bien agir, à délaisser les mauvaises actions. Lorsque tu en commets des mauvaises actions, et forcément tu vas en commettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les enfants d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs, ou plutôt commettent des fautes, et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent. Lorsque tu sais qu'après la mort tu es ressuscité, lorsque tu sais qu'après être ressuscité tu es jugé, et que tu vas être rétribué selon ce que tu as fait. Si c'est du bien, rétribué en bien. Si c'est du mal, rétribué en conséquence. Eh bien cela doit t'amener donc à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te rends compte donc de la valeur de ce genre de livre-là. Comment ces livres-là n'auraient-ils pas de valeur alors qu'ils sont basés sur les enseignements du Coran et de la Sunna? Et que tu ne laisseras pas un passage de ce livre-là sans y avoir trouvé dedans un texte du Coran ou de la Sunna. Ce qui explique le fait que tu retrouves dans ce genre de livre-là la véritable éducation. La véritable voie, celle qui est conforme à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon les enseignements et la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, rahimahumullahu jami'a. Et le shir Ahmed rahimahullahu ta'ala de mentionner un certain nombre de méfaits et de mauvaises conséquences du fait de ne pas se soumettre au message véhiculé par les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ceux qui font le bien sont ceux qui suivent les messagers. Donc regarde comme il a lié le fait de faire le bien au fait de suivre les messagers, de suivre leur modèle. Tu veux faire le bien, il faut que tu connaisses la voie qui mène au bien. Et combien sont ceux qui veulent faire le bien et en vérité, ils se trompent dans ce qu'ils font. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dis, vais-je vous informer de ceux qui ont tout perdu dans leurs œuvres, ceux qui se sont égarés dans leur cheminement, dans la vie de ce bas monde, alors qu'ils pensaient bien agir. Alors qu'ils pensaient bien agir. Donc le bien, si tu veux faire le bien, il faut que tu connaisses la voie qui mène au bien. Et vous connaissez tous l'anecdote, l'histoire d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Lorsqu'il s'est présenté à certaines personnes qui s'étaient réunies dans la mosquée afin d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu avais donc leur chef, leur émir, qui les incitait donc à prononcer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois. La ilaha illallah, la grandeur d'Allah 100 fois, Allahu Akbar, la pureté d'Allah 100 fois, subhanallah, la louange à Allah 100 fois, alhamdulillah. Et il s'exécutait, il le faisait à l'aide de petites pierres. Naam. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, il s'est présenté à eux, et dans certaines versions, il a même mis un coup de pied dans leur pierre, en leur disant, que faites-vous ici? Soit vous êtes en train d'ouvrir les portes d'un égarement, soit vous vous considérez meilleur que les messagers, que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voici les habits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont encore intacts. Et les récipients dans lesquels il mangeait qui ne sont pas encore cassés. Et eux de lui répondre, ô Abu Abdurrahman, nous ne voulions par là que faire le bien. Et lui de leur dire, avec beaucoup de répartie, une phrase qui reste inscrite et que tu dois inscrire avec des lettres d'or, comme on dit. Et combien de gens veulent faire le bien, mais ne l'atteignent pas? Combien de gens veulent faire le bien, mais ne l'atteignent pas? Tu veux faire le bien? Il faut que tu connaisses la voie qui mène au bien. Et cette voie-là, donc, comme l'a dit le Cheikh Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est la voie des messagers. Et c'est lorsqu'il a dit, ceux qui font le bien sont ceux qui suivent les messagers, tandis que ceux qui font le mal sont ceux qui s'opposent à eux. Allons nous informer de la destruction des nations qui ont traité leurs messagers de menteurs. Or, il y a là un sévère avertissement pour ceux qui lisent ou entendent ces récits décrivant le sort néfaste auquel ne peuvent échapper ceux qui renient les messagers et leurs messages. On infligera à ceux-là un châtiment terrestre avant de les punir dans l'au-delà. Ou alors, il leur épargnera son châtiment ici-bas pour le leur infliger entièrement en enfer le jour de la résurrection. Allah nous en préserve. Naam. Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, et quiconque renie la résurrection a mécru, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, bien au contraire, par mon Seigneur, oui, vous serez ressuscités, puis vous serez très certainement informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala dit en commentaire, la croyance en la résurrection après la mort est l'un des piliers de la foi qui n'est complète qu'avec lui. En effet, quiconque renie la résurrection après la mort a mécru de sorte que sa mécréance l'exclut de l'islam, si évidemment il était avant cela musulman. Elle lui vaudra également de demeurer éternellement en enfer. Le Très-Haut dit, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, bien au contraire, par mon Seigneur, oui, vous serez ressuscités, puis vous serez très certainement informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Or Allah, Azza wa Jal, a cité dans le Coran plusieurs récits qui prouvent que la résurrection après la mort aura bien lieu. Premièrement, la résurrection de celui qui fut tué parmi les fils d'Israël. Ces derniers se mirent à se disputer au sujet de sa mort et de l'identité de son meurtrier. Celui-ci était en fait l'un des proches de la victime. Ils s'en remirent donc au jugement de Moussa. Par sa bouche, Allah Azza wa Jal leur ordonna de frapper le mort avec l'un des membres d'une vache qu'ils auraient au préalable égorgé. Puis après une discussion entre Moussa et son peuple, ils trouvèrent la vache qu'ils sacrifièrent sous les ordres d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils frappèrent à l'aide d'un membre de la génisse. La victime qui retrouva la vie se releva et s'assit. Puis après leur avoir indiqué l'identité de son assassin, elle retourna à son état de mort. Deuxièmement, le récit de l'homme qui traversa une cité dévastée et sans vie et qui dit « قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. » Comment Allah va-t-il lui redonner vie à cette cité après sa mort? Allah le fit mourir, l'homme, 100 ans puis le ressuscita. Comme Allah Azza wa Jal le relate dans la sourate La Vache. Allah ressuscita alors son âne sous ses yeux et on lui fit venir sa nourriture et sa boisson qui ne s'était pas gâtée malgré cette longue période. Troisièmement, le récit mentionné également dans la sourate La Vache de ces gens qui craignaient de mourir quittèrent leur demeure par milliers. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Allah leur dit alors, mourez, puis il les fit revivre. Ils moururent par la suite, chacun selon le terme qui lui fut destiné. Ces trois récits se trouvent dans la sourate La Vache. Quatrièmement, le récit des gens de la caverne, dans la sourate du même nom. Allah a donné un exemple à ses serviteurs, ses résurrections, sur terre uniquement afin d'en faire pour eux une preuve de la vie après la mort. Car la vie après la mort est établie et prouvée par les paroles même d'Allah. Puis le jour de la résurrection, sur les lieux du rassemblement, tous les hommes seront bien forcés de croire à la vie après la mort. Le paradis et l'enfer, vers lesquels ils iront, font également partie du cinquième pilier de la foi qui consiste à croire au jour dernier. D'ailleurs, Allah a réfuté les croyances de ceux qui renient l'avènement de ce jour dans de nombreux versets, comme ceux qui rappellent que la terre, après être devenue morte, revient à la vie. Nous demandons donc à Allah d'imprégner nos cœurs de la foi. Le Très-Haut dit, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Or, la prétention est la porte ouverte au mensonge. Elle consiste à parler sans preuve de ce que l'on avance. Qu'ils ne seront point ressuscités. Qu'ils ne seront pas ramenés à la vie après leur mort. Allah Azza wa Jal ordonna à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Bien au contraire, par mon Seigneur, oui, vous serez ressuscités, puis vous serez très certainement informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit par ailleurs, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. Non, je jure par le jour de la résurrection. Non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons pas ses ossements? Mais si, nous sommes capables d'égaliser les extrémités de ses doigts. Non. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a continué à parler de ce qu'il y a après la mort, à savoir donc la résurrection. Il avait dit précédemment, comme nous l'avons vu, après leur mort, les gens seront ressuscités, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. Et il avait cité donc le verset de sourate Taha, et également le verset de sourate Nuh, ainsi que sourate Al-Najm, en affirmant qu'après la résurrection, ils seront jugés et rétribués. Il a dit, et quiconque renie la résurrection a mécru. Donc après avoir affirmé la résurrection, il a commencé à parler du cas de celui qui viendrait à renier la résurrection. Et il faut savoir que celui-là, il a mécru. Et nous avons vu que la foi en la résurrection, ça fait partie de la foi au jour dernier. Et que la foi au jour dernier, c'est un des piliers de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Jibril alayhi salam, lorsqu'il s'est présenté à lui sous forme humaine. Et qu'il a posé plusieurs questions, parmi lesquelles, « Ô Mohammed, informe-moi à propos de l'islam. Ô Mohammed, informe-moi à propos de la foi. » Et en réponse donc à cette dernière question-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. » Et sixièmement, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais, favorable ou défavorable. Donc le cinquième, c'était quoi? C'est la foi au jour dernier, ce qui implique la foi en la résurrection. Quiconque renie la résurrection a donc mécru. Le prouvent les paroles du Très-Haut. « Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum, wa dhalika ala Allahi yasir. » Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, bien au contraire, par mon Seigneur, oui, vous serez ressuscités, puis vous serez très certainement informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Et ce, donc, dans la sourate Taghabun, dans le verset numéro 7. Le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, a dit, cela signifie, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qul, bala wa rabbi la tub'athunna » ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. Dit bien au contraire par mon Seigneur, vous serez ressuscité. Il a dit cela signifie, dit ô Mohammed, bien au contraire, par mon Seigneur, c'est là donc une réponse et une affirmation. Et le prophète donc, ou Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète ici de jurer par Allah le Grand. Vous serez certes ressuscité, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et ce verset-là, c'est le troisième verset dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par son Seigneur azza wa jal que le retour vers Allah va réellement avoir lieu et qu'il existe réellement. Donc ça, c'est le troisième verset. Également, tu trouves cela dans la sourate Yunus. وَيَسْتَنْبِعُنَّكَ أَحَقٌ هُوْ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Et il te demande, et il te questionne, est-ce que c'est là une réalité? Dis, oui, par mon Seigneur. C'est certes une réalité, une vérité. Et vous ne pourrez pas y faire quoi que ce soit. Et également dans le verset de la sourate Saba, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ. Et ceux qui ont mécru ont dit l'heure ne nous vient pas. Dit au contraire, par mon Seigneur, elle va certes vous venir. Donc tu trouves donc dans trois passages coraniques le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par son Seigneur que l'avènement de l'heure va bel et bien avoir lieu. Et le fait de jurer, donc, c'est quelque chose qui te montre l'importance et l'insistance sur la réalité et la vérité de la chose. Donc, dans le premier verset, tu trouvais ça, « Za'ama alladhina kafaru, an la yub'athu, qul bala wa rabbi la tub'athunna, thumma la tunabba'unna bima amintum, wa dhalika ala Allah yasir. » Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, dit bien au contraire, « Par mon Seigneur, oui, vous serez ressuscités. » Puis vous serez très certainement informé de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Également le verset de surat Yunus. وَيَسْتَنْبِئُنَّكَ أَحَقُّنْهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Il te demande, est-ce que c'est là une réalité? Dis oui, par mon Seigneur, c'est bien là une réalité et vous ne pourrez pas y faire quoi que ce soit. Également donc dans surat Saba. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. Et ceux qui ont mécru ont dit, l'heure ne nous vient pas. Dis, au contraire, par mon Seigneur, elle va certes vous venir. Et c'est donc là l'affirmation de la résurrection. Et donc, on a retrouvé ici le fait que ceux qui renient la résurrection sont des mécréants. Celui qui la renie a certes mécru. Cheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala a dit, or Allah a cité dans le Coran plusieurs récits qui prouvent que la résurrection après la mort aura bien lieu. Et ces récits-là, donc, il les a mentionnés de manière brève, comme vous pouvez les trouver donc, dans son commentaire. Rahimahullah ta'ala. Et il a dit, Allah a donné un exemple à ses serviteurs, ses résurrections sur terre, uniquement afin d'en faire pour eux une preuve de la vie après la mort. Non. Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit, Allah a envoyé l'ensemble des messagers pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, comme le prouvent ses paroles, subhanahu wa ta'ala, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Chargé d'annoncer et d'avertir, afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient aucun argument à opposer à Allah. Le premier d'entre eux fut Nuh, alayhi salam, et le dernier, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. La preuve que le premier d'entre eux fut Nuh se trouve dans les paroles du Très-Haut, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Nous t'avons transmis une révélation comme nous l'avons transmise à Nuh et aux prophètes après lui. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala de dire en commentaire, puis l'auteur rajoute, il a envoyé l'ensemble des messagers chargés d'annoncer et d'avertir afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient aucun argument à opposer à Allah. Les messagers sont ceux qui guident les hommes vers Allah et leur indique la manière d'obtenir son agrément et la voie vers ses jardins. Par leur enseignement, les hommes peuvent connaître Allah Azza wa Jal, savoir ce qu'il agrée et les voies menant à sa satisfaction. Il n'y a donc d'autre chemin vers lui que ceux qu'ils ont indiqués. Allah Azza wa Jal dit, « Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati » فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ô enfants d'Adam, si des messagers issus de vous viennent vous exposer mes signes, alors sachez que ceux qui craignent Allah et s'amendent ne connaîtront ni crainte ni tristesse, et ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent avec orgueil, voilà les gens du feu où ils demeureront éternellement. L'adoration n'est valable qu'à deux conditions. Premièrement, la sincérité, ikhlas, envers Allah. Deuxièmement, la conformité à l'enseignement de l'un des messagers. Allah Azza wa Jal nous a informé que le premier d'entre eux, chronologiquement, était Nuh et le dernier, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ces vérités sont catégoriques, sans contestation possible. Allah Azza wa Jal dit, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Nous t'avons transmis une révélation comme nous l'avons transmise à Noé, à Noé et aux prophètes après lui, et le sceau des prophètes et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'indiquent les paroles d'Allah Azza wa Jal. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasul Allah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Naam, donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a continué après avoir parlé de la résurrection. Et après avoir parlé également du jugement et de la rétribution, après avoir parlé du statut de la personne qui en vient à renier la résurrection, il a cette fois-ci abordé le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé l'ensemble des messagers pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Donc d'une part, annoncer la bonne nouvelle, et d'une autre part également, avertir, comme nous le retrouvons dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Rusulam mubashirin wa mundirin, yalla yakuna linnasi ala Allahi hujjatum ba'da rusul » Des messagers, qu'on pourrait rajouter ici donc dans la traduction, où il y a les trois points, rajouter le terme « messager ». Des messagers chargés d'annoncer et d'avertir, afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient aucun argument à opposer à Allah. Le Cheikh Ibn Qasim, rahmatullahi alayhi, a dit, afin qu'ils ne disent pas, le jour de la résurrection, en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne nous as envoyé aucun messager, et tu n'as fait descendre sur nous aucun livre. Et c'est ainsi qu'est devenu vain, ou qui est devenu vain l'argument des créatures vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, par l'envoi des messagers, par la descente des livres, et par l'établissement des preuves contre eux, par l'éclaircissement qu'ils ont connu de la vérité, et par également la prédisposition naturelle qu'ils ont dans leur cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans leur cœur. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout nouveau-né né vient au monde sur la prédisposition naturelle. Et c'est ensuite ses parents qui en font un chrétien, qui en font un zoroastre, qui en font un juif, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc mis la prédisposition naturelle dans le cœur de l'être humain. Et l'être humain, donc, lorsqu'il vient au monde, il est sur la prédisposition naturelle donc, à reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, de continuer en disant, et c'est ainsi également que toute excuse devient nulle et non avenue, et qu'il ne reste plus aux gens aucun argument auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier d'entre eux fut Nuh, et le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Le premier d'entre eux, donc, c'était Nuh alayhi salam. Et il faut savoir qu'il y avait entre Nuh et Adam 10 générations qui toutes étaient sur l'islam. Et lorsque le polythéisme est survenu dans l'humanité à cause de l'exagération vis-à-vis des saints, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé le messager Nuh alayhi salam, qui est le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre, et ce selon l'unanimité des musulmans. Donc tu as eu entre Adam alayhi salam et Nuh 10 générations qui étaient sur l'islam, qui étaient sur le tawhid. Puis, lorsque le polythéisme est apparu, et comme l'a dit le Cheikh, et comme on aura peut-être l'occasion de le voir dans le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, c'est à cause de l'exagération vis-à-vis des gens pieux des saints que ce polythéisme est apparu. Et c'est alors que Noé fut envoyé à son peuple, et il est le premier des messagers qui était envoyé aux gens de la terre, et ce selon l'unanimité des musulmans. La preuve que le premier d'entre eux fut Noé se trouve dans les paroles du Très-Haut. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Nous avons transmis une révélation comme nous l'avons transmise à Noé et aux prophètes après lui. Ce qui te montre bien donc que Noé c'était le premier d'entre eux, c'était le premier des messagers. Et ces propos-là donc ont été appuyés par le Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala. Il a dit, les messagers sont ceux qui guident les hommes vers Allah et leur indiquent la manière d'obtenir son agrément et la voie vers ses jardins par leurs enseignements. Les hommes peuvent connaître Allah, savoir ce qu'il agrée et les voies menant à sa satisfaction. Il n'y a donc d'autre chemin vers lui que ceux qu'ils ont indiqués. Allah a dit, Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslah wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ô enfants d'Adam, si des messagers issus de vous viennent vous exposer mes signes, alors sachez que ceux qui craignent Allah et sa mande ne connaîtront ni crainte ni tristesse, et ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent avec orgueil, voilà les gens du faux, ils demeureront éternellement. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, de continuer en disant, l'adoration n'est valable qu'à deux conditions. Un point très important, qui est souvent répété, et qui mérite d'être répété. Pourquoi ? Car dépend de ces deux conditions-là la validité de ton œuvre. Et dépend de la validité de ton œuvre, le fait qu'il soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. C'est donc une des choses les plus importantes que tu dois connaître. En plus de la connaître, tu te dois de sans cesse l'avoir à l'esprit, afin de chercher à concrétiser en plus de le savoir. Tu sais, c'est bien, mais il t'incombe également de mettre en application. Tu sais que l'acte pour qu'il soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il ait réuni deux conditions. La sincérité vis-à-vis de lui, azza wa jal, et la conformité. Comme l'a dit ici le Shir, premièrement, la sincérité envers Allah. Deuxièmement, la conformité à l'enseignement de l'un des messagers. Qu'est-ce qu'a voulu dire le Cheikh ici lorsqu'il a dit, deuxièmement, la conformité à l'enseignement de l'un des messagers? Est-ce qu'il a voulu dire, comme certains pourraient le comprendre, qu'il te suffit ou qu'il t'est permis d'être conforme aux enseignements d'un messager parmi les messagers à l'heure actuelle et que ton œuvre sera acceptée? Et qu'ainsi tu peux considérer que l'œuvre du chrétien qui se réclame de Isa, ou que l'œuvre du juif qui se réclame de Moussa serait acceptée s'il venait donc à réunir ces deux conditions, à savoir le fait d'être sincère vis-à-vis d'Allah et de ne rechercher que son agrément et de ne rechercher que sa récompense dans l'au-delà, tout en étant conforme aux enseignements du prophète duquel il se réclame, et on dirait donc que cette personne-là, donc son œuvre, elle est acceptée. Non, c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu ici, c'est que, à chaque époque, son messager, et que donc à l'époque, par exemple, de Moussa, alayhi salam, pour son peuple, s'il voulait que leurs actes soient agréés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il fallait que ça soit sincèrement voué à lui, subhanahu wa ta'ala, et que ça soit conforme aux enseignements du messager qui lui a été envoyé, à savoir Moussa, par exemple. À l'époque de Isa, pour son peuple également. Mais à notre époque, depuis l'avènement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors seule la conformité à sa voix est valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'est personne de ma communauté. Et il visait par là la communauté de l'appel, c'est-à-dire la communauté dans son sens large, la communauté de ceux à qui Le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été adressé, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, qui inclut à la fois les musulmans et à la fois ceux qui ne le sont pas. Sachant que, comme on l'a vu à plusieurs reprises, la communauté, le terme Ummah, il a deux acceptions, deux sens. Une acception qui est générale, et c'est ce qu'on appelle la communauté de l'appel. La communauté, c'est-à-dire l'ensemble de ceux à qui le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été adressé. La deuxième acception, le deuxième sens, c'est quoi? C'est dans un sens plus restreint, c'est ce qu'on appelle la communauté du suivi ou de la conformité. Et c'est là la communauté de ceux qui ont répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là, ce sont là donc les musulmans, les croyants. Dans certains textes, tu peux trouver que référence est faite au premier type de communauté, dans d'autres, au second type. Et il ne faut pas que tu fasses la confusion. Car dans le hadith auquel j'ai fait référence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'en est pas un de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi, puis qui n'apporte pas foi à mon message, sans qu'il ne soit parmi les habitants de l'enfer. Donc certains ne pensent pas que, ici, le fait que le juif ou le chrétien ait été mentionné, ça veut dire qu'il fait partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son sens restreint. Non. Il faut bien connaître donc les deux types de communautés et les deux acceptions qu'a le terme Umma en arabe, dans la religion. Naam. Donc ici, on comprend que les propos du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, ils visent chacun à son époque. Et à notre époque, donc, le messager dont il faut suivre les enseignements, c'est Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, donc, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a appuyé ce qu'avait pu dire l'auteur et qu'on a pu aborder précédemment. Naam. Zid. Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a dit: Allah a envoyé à chaque communauté un messager, depuis Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a ordonné de n'adorer qu'Allah et leur a interdit d'adorer les fausses divinités, Tarut. Pour preuve, les paroles du Très-Haut: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. En effet, nous avons envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarut. Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire: Allah a envoyé à chaque communauté un messager qui avertit ses membres, les met en garde, leur ordonne d'adorer Allah seul et leur défend d'adorer le Tarut. Le Très-Haut dit: en effet, nous avons envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarut. Tous les messagers ont donc été chargés de ces deux missions. 1. Ordonner l'adoration d'Allah seul. 2. Interdire l'adoration du Tarut et le renier. Naam. Ici donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé le fait qu'Allah a envoyé à chaque communauté un messager, depuis Nuh jusqu'à Mohammed, et qu'il leur a ordonné de n'adorer qu'Allah et leur a interdit d'adorer les fausses divinités, At-Tarut. Pour preuve les paroles du Très-Haut: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. En effet, nous avons envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarut. Et le terme Tarut, il va être défini sous peu, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on va lire les propos et la définition d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Tous les messagers ont donc été chargés de ces deux missions: ordonner l'adoration d'Allah seul, interdire l'adoration du Tarut et le renier, comme l'a dit le Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, afin d'appuyer donc les propos de l'auteur, et en se basant également sur le verset que vous venez d'entendre. Et nous retrouvons donc à plusieurs reprises dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que référence est faite au fait d'adorer Allah seul et le fait donc de s'écarter du Tarut et de le renier. Le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, a dit, en commentaire des propos de l'auteur, Allah a envoyé à chaque communauté un messager, depuis Nuh jusqu'à Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous n'avons jamais châtié qui que ce soit jusqu'à avoir suscité un messager. Cheikh Ibn Qasim de dire, suite à la citation de ce verset, et du fait que les messagers avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'un prophète parmi eux mourait, il y avait un prophète qui lui succédait. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son avènement est venu, et étant donné donc qu'il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité, qu'il est le sceau des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a attribué à cette communauté des imams bien guidés, par qui Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion et par lesquels il a établi la preuve contre ses serviteurs. Et ces imams-là, ils ne cesseront d'être présents et ce, jusqu'à l'avènement de l'heure. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. Ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté secouru sur la vérité, et ce, jusqu'à l'avènement de l'heure. Non. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, Allah a imposé à toutes ses créatures de ne pas croire au Tarout et d'avoir foi en lui. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, le terme Tarout désigne tout ce qui, étant adoré, suivi ou obéi, conduit le serviteur d'Allah à dépasser les limites et à transgresser. Cheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala a dit en commentaire, le terme Tarout englobe tout ce qui est adoré sans droit et vainement. Et la meilleure définition qui a été donnée du Tarout est celle d'Ibn al-Qayyim. Il a dit, le terme Tarout désigne tout ce qui, étant adoré, suivi ou obéi, conduit le serviteur d'Allah à dépasser les limites et à transgresser. En effet, quiconque adore un autre qu'Allah Azza wa Jal a transgressé, puisqu'il est du devoir de toute créature divine d'être l'adoratrice et non d'être elle-même l'être adoré. Cette créature doit vouer son culte à Allah seul. Le même raisonnement s'applique au terme suivi. Le serviteur d'Allah est tenu de suivre la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en se conformant au commandement divin contenu dans le Coran ou transmis par la bouche de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, quiconque suit une créature divine et renonce à suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait de cette créature un tarout. Or, il est du devoir de toute créature divine de se conformer au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque suit cette créature en toute chose a donc transgressé au point de s'écarter de la vérité. En effet, l'obéissance absolue et sans limite est l'un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le même raisonnement s'applique à l'expression ou obéit, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a d'obéissance à rien ni personne si cela implique de désobéir au créateur. Naam. Comme annoncé, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé la définition du terme Tarout. Après avoir dit, Allah a imposé à toutes ses créatures de ne pas croire au Tarout et d'avoir foi en lui. Et nous venons de le voir dans les propos de l'auteur lui-même, dans les propos également du Cheikh Al-Najmi, rahimahum Allah. D'ailleurs, le Cheikh Ibn Qasim, rahmatullahi alayhi, disait, et c'est pour cela que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été descendus. disant même que la religion se résume à deux choses. Mécroire au Tarot, on va expliquer ce que c'est, et croire à Allah. Et celui qui mécroit au Tarot et croit à Allah, c'est certes saisi de la hanse la plus ferme qui ne peut se briser. Référence est faite ici à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah, qui va être citée par l'auteur lui-même plus tard, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. La ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, fa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, fa qad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, l'infisama laha, wallahu sami'un alim. Nulle contrainte en religion, le droit chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque renie le tarout, tandis qu'il croit à Allah, a ses silences la plus solide qui ne peut se briser, et Allah entend, et c'est tout. Qu'est-ce que c'est que le tarout? Qu'est-ce que c'est que le tarout? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, te répond, comme l'a ramené ici le noble cheikh de l'islam, Muhammad Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et cette définition-là, c'est la définition la plus complète qui a été donnée du tarout. Le terme tarout désigne tout ce qui, étant adoré, suivi ou obéi, conduit le serviteur d'Allah à dépasser les limites et à transgresser. Donc tu retrouves ça. Le principe d'adoration, de suivi ou d'obéissance. Retiens bien ça. Le terme tarout désigne tout ce qui, étant adoré, suivi ou obéi, conduit le serviteur d'Allah à dépasser les limites et à transgresser. Et le Cheikh Ahmed, rahimahullah ta'ala, a commenté ce passage-là, un commentaire largement suffisant et qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, explique de manière très claire ce qui est voulu donc par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et il a notamment donc mis l'accent sur les trois points que nous venons de mentionner, donc les trois principes que sont l'adoration, le suivi et l'obéissance. Donc le terme tarout désigne tout ce qui étant adoré, suivi ou obéi, conduit le serviteur d'Allah à dépasser les limites et à transgresser. Naam. Le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit « Les tarouts sont nombreux, mais leurs têtes sont au nombre de cinq. Iblis, qu'Allah le maudisse, quiconque est adoré et y consent, quiconque appelle les gens à l'adorer, quiconque prétend connaître une part de l'inconnu et quiconque juge par des lois autres que les lois révélées par Allah. Pour preuve, les paroles du Très-Haut, « La ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Nulle contrainte en religion. Le droit chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque renie le tarout, tandis qu'il croit en Allah, en a sa silence la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah entend et sait tout. Tel est le sens de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Naam. Ici, donc, dans le texte original, on peut voir que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a continué à citer donc les propos du shir de l'islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Les tarouts sont nombreux, mais leurs têtes sont au nombre de cinq, c'est-à-dire les principaux. Tawarit, le plus grand tarout. Iblis, qu'Allah le maudisse. Ah, c'est le premier. Quiconque est adoré et il consent, donc avec cette condition-là, le fait d'être consentant, afin d'exclure celui qui serait adoré alors qu'il ne le veut pas. Comme Isa alayhi salam. Il a été adoré alors que lui-même, il se désavoue de cette adoration-là. Naam. Passez-moi, s'il te plaît, le mushaf. Je retrouve ça dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Rappel le moment où Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi. » Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. » à savoir adorer Allah mon Seigneur et le vôtre. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es le témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, et eux l'ont agréé, voilà l'énorme succès. Allah seul appartient au royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme et il est omnipotent. Isa alayhi salam, il a été adoré. Mais il se désavoue de cette adoration-là. Il n'est donc pas considéré comme un tarout. Tu remarqueras donc ici donc la précision du Cheikh de l'Islam Ibn Qayyim rahimahullah lorsqu'il dit quiconque est adoré et y consent. C'était là donc le deuxième. Le troisième, quiconque appelle les gens à l'adorer. Donc, en plus, c'est même pas qu'il est. Les gens l'adorent et lui, il approuve cela, il ne dit rien. Et carrément, il les appelle. Carrément, il les appelle à l'adorer. Et quiconque prétend connaître une part de l'inconnu. J'aurais plutôt traduit ça par une part de l'invisible. Une part de l'invisible, al-ghaib, Allahu a'lam. Et quiconque juge, donc c'était là le quatrième, et quiconque juge par des lois autres que les lois révélées par Allah. Et c'est là donc le cinquième, ou la cinquième des têtes, des tawarit. Quiconque juge par des lois autres que les lois révélées par Allah. Et puis donc le shir a cité le verset, la ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Nulle contrainte à religion, le droit chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque renie le tagout, tandis qu'il croit en Allah, a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah entend et sait tout. Et tel est le sens de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et nous avions dit à plusieurs reprises, nous le répétons ici, que la traduction correcte de cette attestation, c'est de dire l'attestation qu'il n'y a de Dieu qui ne mérite l'adoration qu'Allah. Naam. Ici donc, on va s'arrêter quelque peu avec le cinquième. Le cinquième de Tarout qui a été cité, la cinquième tête de Tarout qui a été mentionnée par le Cheikh de l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit « Quiconque juge par des lois, autres que les lois révélées par Allah » Il est important ici d'apporter un certain développement afin d'éviter toute confusion et toute mauvaise compréhension et tout dérapage, toute déviation et tout égarement. Et ainsi de suite. Il faut savoir que le fait de juger par des lois autres que les lois révélées par Allah, le jugement de cette chose-là va varier selon la situation de la personne qui juge par des lois autres que les lois révélées par Allah. Il y a plusieurs cas de figure. Une personne peut juger par une loi autre que la loi révélée par Allah, en considérant que la loi par laquelle elle a jugé, elle est meilleure que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là un cas de figure. Une personne peut juger par autre que la loi révélée par Allah, en pensant que la loi par laquelle elle juge est équivalente à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là un deuxième cas de figure. Une personne peut juger par une loi autre que la loi révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant malgré tout la ferme conviction que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure et que ce qu'il fait est interdit. Mais pour une raison ou une autre, une passion qui est dans son cœur, un intérêt qu'il souhaite atteindre, il en vient à juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là donc un troisième cas de figure. Le premier et le deuxième cas de figure relèvent de la mécréance majeure qui fait sortir celui qui se rend coupable de l'islam. Parce qu'il a considéré que cette loi-là, par laquelle il a jugé, elle est meilleure que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou elle est équivalente. Et on peut même aller jusqu'au fait de dire que même si il n'avait pas jugé par cette loi et qu'il s'était contenté d'avoir cette conviction-là, eh bien il serait sorti de l'islam. Du simple fait qu'il ait eu cette conviction. C'est donc là ce qu'on appelle une mécréance majeure. Kufrun akbar. Mukhrij min al-millah. Qui fait sortir de la voie des musulmans, qui fait sortir de la religion. Le troisième cas de figure, ça relève par contre, comme l'ont dit les ulama, de une mécréance qui est sous une mécréance, pour reprendre les termes d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée et agrée son père. Ce qui signifie que c'est une mécréance mineure. Ça reste quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Mais ça n'atteint pas le niveau de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Et il est important que tu connaisses ce développement-là à faire, ces différents cas de figure. Car on a une époque où beaucoup de gens se servent de ce genre de paroles-là qui ne vont en réalité en aucun cas dans leur sens. Mais ils se contentent donc de les citer de manière sommaire pour dire qu'ils vont dans leur sens, et ensuite, donc, ils en viennent à quoi? Ils en viennent à appliquer l'anathème sur les gouverneurs musulmans. Et ils argumentent par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque juge par autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, alors ceux-là sont réellement les mécréants. Et dans un autre verset de la même sourate, alors ceux-là sont les pervers. Et dans un autre verset, alors ceux-là sont les injustes. Et à partir de là, donc, ils généralisent et ils en oublient le développement qui est à faire et qui a été fait à la base, alaykoum salam wa rahmatullah, qui avait été fait à la base depuis l'époque d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, à savoir donc que selon le cas de figure, la mécréance sera une mécréance majeure ou une mécréance mineure. Et il faut savoir que ces gens-là, lorsqu'ils sont arrivés à leur fait, à savoir le fait de généraliser et de dire à partir de là que tous sont sortis de l'islam, étant donné qu'ils ont jugé par autre que la loi d'Allah, et parfois ça reste à vérifier parce que ces gens-là, qui sont dans le takfir, mais souvent ils ne connaissent même pas eux-mêmes ce qu'est la loi d'Allah. Mais une fois que selon eux, donc ils sont arrivés à prouver qu'un tel ou un tel, parmi les gouverneurs, a jugé par autre que la loi d'Allah, alors ils en font de suite un tarout. Et une fois qu'ils en ont fait un tarout, eh bien, ils te rendent obligatoire le fait de le combattre. Et ils te rendent obligatoire le fait de savoir lequel parmi eux est devenu un tarout et lequel parmi eux n'en est pas encore un. En prétendant que le fait de mécroire au tarout, c'est une condition que tu dois impérativement respecter pour pouvoir être réellement croyant. Ça. Mais comme on dit, c'est une parole de vérité par laquelle le faux est prêché. Car eux, ils voudraient t'amener à quoi ? À ce que tu passes ton temps dans quoi ? Dans le fait de chercher les défauts de tel ou tel gouverneur pour savoir lequel parmi eux tu dois considérer comme un tarout pour pouvoir mécroire en lui. Et ça, comme on dit, c'est une parole qui est à la base tellement faible qu'on n'aurait même pas besoin de démontrer sa faiblesse. Taille parmi les tarouts. Quiconque est adoré et y consent. Parmi ces choses-là, tu peux compter les idoles et les statues. Combien de statues il y a dans le monde ? Combien d'idoles il y a dans le monde ? En Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie. Si tu vas et que tu vas au bout de leur raisonnement, eh bien tu te devrais de chercher donc chacune de ces idoles qui constituent donc un tarout en soi pour pouvoir y mécroire et ainsi concrétiser ta foi. Donc il n'y a pas de doute que ce genre d'idéologie-là, elle tend à quoi ? Elle tend à amener les gens vers quelque chose de bien précis. Et les buts en vérité sont politiques. Et c'est la religion qui est utilisée par ces gens-là à des fins politiques. Il va l'arriver à quoi ? Il va l'arriver à ce qu'on appelle Al-Kursi. Il va arriver à la chaise. Il va l'arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir, eh bien, il faut qu'il fasse sauter ceux qui sont déjà en place. Donc ils en arrivent à utiliser des réalités religieuses selon leur propre compréhension erronée, afin donc d'arriver à leur but. Wallahu al-musta'an. Naam. Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, dit en commentaire, les tarouts sont nombreux, et leurs têtes sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, quiconque est adoré et y consent, quiconque appelle les gens à l'adorer, quiconque prétend connaître une part de l'inconnu, de l'invisible, et quiconque juge par des lois autres que les lois révélées. Iblis est donc la tête des tarouts, pour avoir désobéi à son Seigneur et s'être opposé à son pouvoir. Allah l'a donc maudit et banni du paradis. Quiconque est adoré et y consent, celui-ci s'est placé sans droit au niveau de la divinité, car il se doit d'être un adorateur et non d'être un adoré, d'être adoré. Un serviteur et non un Seigneur. En effet, il ne peut être utile ou causer du tort à personne, pas plus à lui qu'aux autres. De même, celui qui prétend connaître une part de l'invisible a prétendu détenir ce qui est du domaine réservé de la divinité. Même remarque pour celui qui juge par des lois autres que les lois révélées par Allah. Le Très-Haut dit « Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah » Ou bien ont-ils des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'aurait pas autorisé. Tout cela revient à transgresser les commandements d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à se rebeller contre lui et à prétendre sans droit à ce qui est de son domaine réservé. Le Très-Haut dit « La ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha » Wallahu sami'un alim. Nulle contrainte en religion. Le droit chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque renie le ta'out, tandis qu'il croit en Allah, a ses silences la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah entend et sait tout. Tel est le sens de l'attestation qui n'a de divinité qu'Allah et qui signifie « Rien de ce qui existe mérite d'être adoré en dehors d'Allah. » Continue, vas-y, termine. Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit « Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le plus important est l'islam, son pilier la prière et son sommet le combat dans le sentier d'Allah. Mais Allah c'est mieux que quiconque. Et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohamed, sur sa famille et ses compagnons. » Cheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala de dire en commentaire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus important est l'islam, son pilier la prière, et son sommet le combat dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah. L'islam est donc ce qui compte avant tout, puisque nul n'entrera au paradis et ne sera préservé du châtiment divin s'il n'est musulman. De même, ni prière, ni zakat, ni jeûne, ni pèlerinage ne sont valables sans l'islam. Son pilier la prière. Le pilier sur lequel repose l'édifice qui représente l'islam est la prière, as-salah. Or, une religion sans pilier disparaît. Et son sommet, le combat, le plus haut degré de l'islam et ce qu'il contient de plus méritoire, est le combat dans le sentier d'Allah. Allah soit loué, ainsi s'achèvent ses annotations sur le livre Les Trois Fondements, qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il aime et agrée, et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète, Mohammed, ainsi sur sa famille et ses compagnons. Amin. Alhamdulillah, donc ici, le Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, a achevé son épître, Les Trois Fondements, et également, donc, le Cheikh Najmi, rahimahullah, a achevé son commentaire et ses annotations, en parlant, donc, de le plus important, c'est l'islam. Son pilier, c'est la prière. Ce qui te montre ici, donc, la valeur de la prière. Étant donné qu'une chose, si son pilier tombe, elle tombe également. Ce qui te montre donc l'obligation de la prière. Et que celui qui la délaisse, même s'il la délaisse par paresse, en vérité, il est mécréant selon l'avis le plus correct, soutenu par les ulama. Et son sommet, le combat dans le sentier d'Allah, mais Allah c'est mieux que quiconque. Et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Et c'est ainsi que s'achève donc l'étude de ce livre-là et de son commentaire. Ce que j'ai pu dire qui était conforme à la vérité, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais il est arrivé que je dise quelque chose qui en déroge, alors ça vient de moi ou du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager en sont exempts. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين